de ma semaine avec mes amis. Ça ne fait qu'un mois que j'ai mon permis. Donc ma mère inquiète pour moi, me prévient et me dit: fais attention à toi, surtout ne bois pas, car l'alcool au volant a fait trop de dégâts. Elle a peur pour en cache pas avec mes gars, et c'est vrai que eux sont portés sur la vodka. Ça y est, c'est parti. Je me suis apprêté afin de plaire aux filles. Je récupère mes clés, mon argent, mon permis, ainsi que mon téléphone portable en calomnie. Ma mère est à la fenêtre pour me dire au revoir, et je sens dans son regard plein de désespoir. Elle peut me faire confiance, je ne ferai pas le chauffard, car une chose est sûre, ce soir je ne vais pas boire. Sans aucun souci, tu peux être fier de moi, maman, j'ai bien conduit. L'ambiance en bas sont pleins, mais c'est comme je te l'ai dit. Dans mon verre, y'a du soda, je te la fais pour lui. Mais ça n'empêche pas qu'on part à la fête. Je ressens pas besoin de m'en tourner la tête. De surcroît, je sais que mon retour tu guettes. Maman, tu sais très bien que je suis quelqu'un d'honnête. Soirée se finit, il ne me reste qu'à regrouper tous mes amis. Nous sommes sur le départ et tout le monde sourit. La soirée était d'enfer, on se dit tout ça samedi. Je démarre ma voiture pour prendre le retour. Ça ne risque pas d'être dur car je n'ai pas bu pour ne pas rouler trop vite afin de faire plus court. Maman, à tes conseils, je n'ai pas été sourd. Pourquoi j'ai froid? Pourquoi les amis que je devais ramener ne sont plus là? Pourquoi dès lors que je regarde autour de moi, je ne vois que des gyrophares, des gens qui ne sourient pas? Maman, je ne comprends pas, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Pourquoi suis-je étendu sur le parvis? Pourquoi devant mes yeux je vois défiler ma vie? Je sens même les battements de mon cœur qui ralentit. Celui qui m'a percuté s'est mis à boire. Alors je vais finir ma vie sur un trottoir. Maman, je t'aime, désolé de ne pas pouvoir te dire au revoir.